À Monsieur Paul Bourget. Je me préparais à sonner au presbytère quand la porte s'ouvrit. Je dus m'effacer pour livrer passage à une femme en deuil qui sortait. Elle me parut très pâle sous son voile de crêpe anglais, mais il me fut impossible de distinguer ses traits. D'ailleurs, elle passa rapidement, reconduite par le curé, jusqu'à la voiture. Une vieille calèche de campagne, attelée d'un gros percheron, qui stationnait à la porte. Ainsi, monsieur le curé, c'est bien entendu comme cela. Voyons, nous n'avons rien oublié. Je ne crois pas, madame la marquise. Faudra-t-il vous envoyer quelqu'un de la ferme pour vous aider, monsieur le curé? Merci, merci, madame la marquise. Godot, mon sacristain, est habitué, je l'emmènerai. Eh bien, au revoir, monsieur le curé. Je vous présente mes respects, madame la marquise. Le curé referma la portière et la voiture partit dans un bruit de ferraille, vénérable et disloqué. Quelle bonne dame, me dit le vieux curé, comme nous entrions au presbytère. Si celle-là ne va pas tout droit en paradis, c'est que personne n'ira. Qu'est-ce donc, demandai-je. Il me semble que cette figure ne m'est pas inconnue. C'est madame la marquise de Persègne. Comment, la marquise de Persègne? La célèbre et belle marquise de Persègne? Oui, depuis son malheur, elle habite pas loin d'ici, une espèce de ferme qui lui appartient de sa mère, et qu'elle n'a même pas pris la peine d'aménager en maison bourgeoise. Et elle vit là, toute seule, ne s'occupant que de charité. Justement, elle venait aujourd'hui régler avec moi les dispositions de la semaine. Ah, avec madame la marquise, je vous affirme que la cure de Saint-Sulpice n'est pas une sinécure, conclut le curé qui de temps en temps aimait à rire. Et dites-moi, mon cher ami, que faisons-nous en politique? Cela n'étonna personne à Paris quand la nouvelle du mariage de Jacques, marquis de Persègne, et de la comtesse Marcel de Savoise, née des Radrais, fut officiellement connue. Il n'était que temps. Dans les salons, l'on jase, on commençait à trouver que l'affaire durait. Même s'il s'en était fallu de peu, de la largeur d'une langue de femme, que l'on ne causa sérieusement et que la malveillance ne quitta le domaine de l'allusion timide pour entrer dans celui de la brutale affirmation. « Ah, c'est un vrai soulagement !» avait dit madame de Grandcœur, à qui on ne donnait pour le moment que 4 amants. Un banquier israélite, un général de cavalerie, un sportsman et un comédien, sans compter le mari, lequel, encore que sénateur, ne passait point pour la 7e roue de ce carrosse si bien attelé. Du reste, de toutes parts, on approuva et on applaudit. Nom, fortune, jeunesse, beauté, tout en cette union paraissait le mieux du monde assorti. L'amour lui-même l'a parfumé. L'amour, cette fleur douloureuse, qui souvent n'éclot que dans les larmes. L'amour, cette fleur rare, qui, si rarement, fleurit au front des nouveaux époux. Le mariage fut célébré à Sainte-Clotilde en grandissime pompe. Il y eut orgie de fleurs et de cierges, toilette folle, chant d'orgue délicieusement énervant, et sa grandeur, monseigneur de Parabère, le plus jeune et le plus joli prélat de France, prononça au milieu de l'assistance pâmée une allocution qui fut jugée divine et que 3 reporters, qui ne l'avaient point entendue, prétendirent être tout animés du souffle le plus chrétien et de la mondanité la plus exquise. Entre des énumérations de dons mal autographiés ou de pure fantaisie, ces mêmes reporters remarquèrent aussi que le marquis de Persègne et la comtesse de Savoise avaient la gravité émue et la solennité inquiète qui conviennent au grand bonheur. Donc rien ne manqua, et ce fut charmant. Et les dernières lumières de l'église éteintes, et le lunch terminé, et les nouveaux mariés enfuis, on pensa à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne pensa plus à rien, ce qui est à Paris et dans ce milieu la façon de penser la plus communément répandue. Marcel des Radrais avait, à 18 ans, épousé le comte de Savoise, l'unique héritier du don célèbre et de la belle terre de Savoie en Normandie. Très joli homme, mince et blond, de manière correcte et parfaitement élégante, d'une ignorance aussi complète que possible et d'une insignifiance d'esprit qui lui faisait accepter, sans réflexion et sans révolte, les modes du jour, les idées reçues du moment et en général, toutes les opinions bien portées. Le comte de Savoie était ce qu'on appelle dans les milieux spéciaux du chic un gentleman accompli. Il montait en perfection. Aucun n'était plus habile que lui à mener un drag et à courre un cerf. Et dans les réunions sportives où il se prodiguait, lui, ses voitures et ses chevaux, on ne cessait d'admirer l'harmonie délicate de ses pantalons, la suavité de ses boutonnières fleuries. On le citait en toutes occasions. Et il s'en montrait très fier. Et sa femme l'adora. En cet amour, Marcel avait apporté, sans compter, tous les trésors de bonté passive et de vertu soumise qui étaient en elle. Elle ne voyait que son mari, n'entendait que lui, n'était heureuse que par lui. Et bien qu'elle fût très belle et, partant, très courtisée, elle passait au milieu des hommages du monde, indifférente à ce qui n'était pas son mari, sourde à ce qui ne venait pas de lui, sans retourner la tête une seule fois au désir qui suivait la traîne de ses robes et toujours voletait autour d'elle. Ce qui faisait dire aux femmes avec des mots de léger dédain que la petite manquait d'esprit, comme si la bonté et la vertu n'étaient pas le véritable esprit de la femme. Marcel eut ainsi les 3 années de bonheur que pas un nuage ne vint un seul instant à sombrir. Un jour, à la chasse, le comte de Savoie, sautant un mur, tomba de cheval, si malheureusement, qu'on le ramena au château, le visage sanglant, le crâne fendu, se mourant. Il succomba dans la nuit. De ce coup terrible et si imprévu, on crut que Marcel deviendrait folle. Elle ne pouvait arracher ses yeux à la vision horrible de ce cher cadavre. Hagarde, elle suppliait qu'on l'ensevelît avec lui. Pendant plusieurs jours, en proie à des attaques de nerfs, elle emplissait le château de ses cris de douleur. Cette première crise apaisée, la pauvre femme s'abîma en une prostration qui avait tout l'effrayant et tout l'inquiétant de la mort. Elle demeurait des journées et des nuits entières, couchée sur sa chaise longue, la tête vide, les yeux fixes, la bouche ouverte, les lèvres froides et raidies, immobile ainsi qu'une statue de cire. Refusant les soins de sa femme de chambre, ne prenant aucune nourriture, ne parlant pas, ne dormant jamais, Marcel, dans le néant de sa vie, semblait atteindre le néant de la mort. Elle ne mourut point pourtant. Peu à peu, et sans effort, le passé qu'elle se prit à revivre, les souvenirs qu'elle se prit à rappeler un par un, lui coulèrent dans l'âme quelque chose de la douceur indécise et triste d'un rêve. Et comme il ne se mêlait à ses souvenirs que des images riantes, des résurrections de joie tranquille et sans remords, au bout d'une année, la douleur s'endormit, en quelque sorte bercée par sa tendresse même. Ce fut vers cette époque que Jacques de Persaigne, au retour d'un long voyage à travers le monde, s'en vint passer tout un été chez sa mère, à Persaigne. Persaigne n'était éloigné de Savoie que d'une lieue. De même que les deux domaines se touchaient, se confondaient presque, de même une étroite intimité unissait les deux familles qui, durant les mois de villégiature, avaient accoutumé de se voir, à peu près chaque soir. La marquise, surtout après le malheur de Marcel, avait redoublé de dévouement et cette affection vigilante, mêlée de tendresse et de bourrade, ces caresses endormeuses qu'ont les vieilles gens, avaient été pour beaucoup dans l'apaisement des souffrances de la triste veuve. Aussi, en ce grand château, maintenant si abandonné, Marcel se trouvait-elle presque heureuse entre la marquise de Persaigne, qui essayait de ramener le sourire à ses lèvres pâlies, et Jacques, qui la regardait de ses yeux doux et profonds. L'intéressait en lui, comptant ses aventures et ses travaux. Jacques avait-il aimé la comtesse de Savoise ? On le disait, mais on n'en savait rien. Il est vrai que son brusque et si long voyage ressemblait bien à un exil, et l'on pouvait croire qu'il ne l'avait entrepris que pour se guérir d'un amour impossible. Il s'expliquait aussi par le caractère naturellement mélancolique de ce très particulier jeune homme et le dégoût qu'il avait sans cesse manifesté pour l'existence servile qui va des amitiés menteuses, des clubs, aux vaines amours des salons. Un poète de ses amis avait dit de Jacques, « Il y a en lui du lion, du fakir et de la sensitive. » Du lion, il avait des colères superbes. Du fakir, les contemplations entêtées. De la sensitive, les exaltations, les découragements et les larmes. Il détestait le monde parce qu'il n'y trouvait rien de ce qu'il cherchait dans la vie. Des idées, des croyances, des dévouements. Et il n'y rencontrait que des bavardages odieux, des préjugés, des rancunes, des abdications morales, des comédies d'alcôve et des drames d'écurie. Tout un scepticisme pourrissant, mal dissimulé, sous l'hypocrisie des protestations timides et des lâches révoltes. Ces races épuisées à qui, au milieu des effarements du siècle, il ne restait que la conception du plaisir et qui, sans remords, sans lutte, assistaient à l'agonie définitive de leur histoire, n'étaient plus pour lui que les courtisans avilis du million cosmopolite, les pèlerins apostats de ces temples nouveaux, au sommet desquels brille non pas la croix de rédemption, mais le chiffre d'or. Et c'était avec un déchirement de son âme tourmentée par le beau qu'il voyait cette société dégringolant dans l'abîme au bruit des orchestres et des fêtes, emporté par un vertige d'imbécilité et de folie. Marcel, écoutant cette voix chaude et vibrante, tantôt enflée comme un tonnerre, tantôt caressante comme un chant d'oiseau, se trouvait profondément troublé et remué dans tout son être. Un monde de sensations et d'idées nouvelles se leva du fond de son cœur, se dressa devant son esprit. Et un beau soir, elle découvrit, sans un scrupule, sans une pensée pour le mort qu'elle avait tant pleuré, elle découvrit, avec une joie délicieuse, qu'elle aimait, comme elle avait aimé Savoise, ce jeune homme futile et banal. Elle aima Persaigne, ce jeune homme grave et mystérieux. Et par cette prodigieuse et inconsciente intelligence des situations qu'ont les femmes, son amour, qui n'avait point dépassé le pauvre idéal de Savoise, monta d'un coup d'aile jusqu'à la hauteur de cet esprit rare, de cette âme d'élite, qui était Jacques de Persaigne. La belle saison finie, Marcel rentrait à Paris. Quelques mois après, ainsi qu'on l'a vu, elle se mariait. C'était le soir, dans leur hôtel de la rue Barbet de Jouy. Ils sont seuls, tous les deux. Oh, bien seuls. Marcel, assis derrière un paravent, à fleurette pâle, le bras accoudé à la liseuse, lit un livre, distraitement. Ses paupières sont un peu rougies et gonflées. Est-ce la fatigue ? On dirait qu'elle a pleuré. Jacques, renversé dans un fauteuil, les mains pendantes, une cigarette éteinte entre les doigts, semble suivre d'un œil accablé les dessins qui courent sur les poutrelles dorées du plafond et le reflet rose et vert des lampes qui, de place en place, se jouent sur les tentures et éclairent des coins de choses étranges, voyées d'ombre. Un an à peine a passé depuis leur mariage. Et ils ne se lisent rien, comme s'ils craignaient de réveiller des tristesses endormies. Et ils ne se regardent pas, comme s'ils avaient peur d'apercevoir au fond de leurs regards des pensées de douleur montant sur un flux de larmes. Et l'on n'entend rien dans ce grand salon que le froissement des feuillets du livre que Marcel retourne toutes les 5 minutes et les heures qui jadis furent si brèves et qui maintenant sonne si longue entre des éternités de silence. Pourtant, ces deux êtres qui sont là, tristes et mornes, ainsi que les ménages coupables, ou ceux que la lassitude est venue séparer de chair, comme elle les a déjà séparés d'âme, ces deux êtres s'adorent. Jeunes, bons, ardents, Dieu les avait créés pour la joie de vivre et pour les célestes ivresses des passions bénies. Il n'était pas possible qu'une seule année eût vidé leur cœur de tout l'amour qu'ils y avaient entassé. Non, ils s'adorent comme au premier jour, plus qu'au premier jour même. Et pourtant, ils comprennent que leur bonheur est à jamais perdu, et qu'elles sont défuntes à jamais, les espérances promises d'un avenir si beau. Jacques est jaloux, non d'un homme vivant, mais d'un mort. Et dès le lendemain de son mariage, une image s'est dressée entre sa femme et lui, une image implacable et maudite, l'image du premier mari. Quand cette vision, subitement, se présenta à lui, il éprouva au cœur une serrée douloureuse, puis comme un étranglement dans la gorge. Il crut qu'il allait défaillir. Ainsi, cette femme, sa femme à lui, Marcel enfin, n'était pas tout à lui. Un autre l'avait possédé. Et c'était cet autre qui avait éveillé la femme dans la jeune fille ébue à s'en griser, les prémices délicieuses du plaisir ignorante et révélée. Ce qu'elle lui avait dit lèvres à lèvres, elle l'avait dit à un autre. Ses baisers, ses étreintes, ses abandons, cette impudeur superbe de la femme qui se donne, tout ce par quoi il venait d'être affolé. Une habitude, une continuation. Ainsi, elle sortait des bras d'un homme, souillé, et retombait dans les bras d'un autre homme, prostitué, sans une hésitation, sans un remords, sans une révolte. Pareil à la femme de l'écriture qui essuya ses lèvres et dit « Je n'ai pas mangé ». Et c'était maintenant seulement qu'il pensait à cela, l'irréparable. Il essaya de raisonner. Marcel l'aimait, que craignait-il? Marcel l'aimait. Ah, l'autre était enterré dans le cœur de Marcel, plus profondément encore que dans le caveau de la chapelle de Savoie. Marcel l'aimait, Marcel l'aimait. Et il se répétait ces mots, à haute voix, comme si la vertu de leur charme dût éloigner les fantômes qui les enfonçaient dans la chair, leur chair vivante. Mais ce fut en vain qu'il fit appel à la raison. La jalousie l'avait mordu au cœur, et le poison coulait à plein en ses veines. À partir de cette heure détestée, Jacques avait compris que sa vie était désormais brisée. Cependant, il se promit bien de cacher le trouble de son âme à la pauvre femme, qui n'était point, elle, coupable de cette folie de délicatesse. Hélas, cache-t-on quelque chose au cœur des femmes aimantes? Marcel ne fut pas longtemps deviner la cause du mal qui rongeait Jacques, et mettait autour de ses yeux brillants de fièvre ce cerne bleu des gens qui vont mourir. Elle en demeura cruellement atteinte, mais elle espéra aussi qu'à force de tendresse, de soumission et de dévouement, elle parviendrait à panser les blessures de cette âme et à ramener le calme dans cet esprit torturé. « Je suis un vilain égoïste, ma chère Marcel, disait Jacques, et je vous prive de toutes les distractions. Retournons dans le monde, voulez-vous ? » Marcel voulait ce que voulait son mari. Tous deux d'ailleurs comptaient que le bruit du monde, le brouhaha de la vie de plaisir, les occupations multiples, incessantes, auxquelles cette existence aux astreint, l'étourdirait, le distrairait de cette pensée unique, et finirait par chasser l'image implacable. Mais là, l'image grandissait, liée plus étroitement encore à celle de Marcel. Sa femme n'était-elle pas ainsi, jadis, avec Savoise, qui l'entraînait à toutes les fêtes? Et il la revoyait à son bras, parée du même sourire et du même bonheur. Et puis ses yeux qui la dévisageaient, la fouillaient, la déshabillaient, ces hommages du monde au fond desquels s'allument les désirs adultères et qui laissent tomber tant d'ordures autour de la femme qu'on admire, tout cela exaltait, exaspérait sa folie, au point que bien souvent des ivresses homicides flambèrent dans son cerveau. Son existence devint intolérable. Martyrisé par ce supplice qui le dévorait, le tenaillait et lui faisait des nuits d'insomnie, pleines d'épouvante. Chaque être, chaque chose, chaque manifestation de la vie lui était une douleur. Il associa tout l'idée de sa femme et de sa voise. Il ne pouvait passer devant un théâtre, un restaurant, un magasin, qui ne reçut aussitôt au cœur un coup affreux. Car il se disait que Marcel s'était certainement montré là, avec l'autre. Et il retrouvait leurs attitudes, leurs gestes, et il entendait ce qu'il s'était murmuré. Son égarement devint tel qu'il rechercha les occasions de savoir, prit des détours ingénieux pour interroger, et il connut d'effroyables jouissances à retrouver les baisers de l'autre, dans ses baisers à elle, son odeur à elle, dans son odeur à lui. L'autre remplissait le bruit, le silence, la minute brève, l'hurlant de son obsédante image. Pas un coin si lointain, si bien caché, où l'autre ne fut toujours visible et toujours triomphant. Jacques rêvait de s'en aller dans des pays inconnus, ou bien de se retirer au fond d'une campagne, perdu en un petit village de paysans où il aurait bêché la terre. Et c'est pourquoi, dans le grand salon de l'hôtel de la rue Barbet de Jouy, il ne se disait rien. Pourquoi il ne se regardait pas? Pourquoi les heures sonnaient si longues entre des éternités de silence? Marcel referma son livre, se leva lentement et s'approcha de Jacques, qui n'avait point bougé et semblait sommeiller. « Jacques, » dit-elle d'une voix tendre. Il se souleva à demi, prit les mains de sa femme, qu'il baisa, et la tira tout près de lui. « Pauvre chère femme, » murmura-t-il, « pardon, pardon. » Marcel lui ferma la bouche d'un baiser. Elle se pelotonna, se fit toute petite, et laissant tomber sa tête sur l'épaule de son mari, elle soupira. « Je t'aime. » Elle lui passa les bras autour du cou et le serra dans une douce et passionnée étreinte. « Je t'aime, » répéta-t-elle. Mais Jacques essaya de se dégager. Subitement, ses yeux avaient pris une expression hagarde. Sa voix tremblait. « Laissez-moi, laissez-moi, par pitié, laissez-moi. » Et Marcel, en la sent plus fort, la bouche tout près de ses lèvres, répéta encore « Je t'aime. »« Mais laissez-moi donc, » cria-t-il, « vous voyez bien que vous me faites du mal. » « Ah, va-t'en, va-t'en !» La jeune femme, agenouillée maintenant au pied de son mari, disait toujours « Je t'aime !» Alors Jacques, éperdu, poussa un cri sauvage. Et crachant au visage de Marcel, il la souffleta. Pas un pli de ce beau visage n'avait remué sous l'insulte. Les yeux seulement subectèrent de larmes. La voix se fit plus douce encore et plus câline. Elle prit les mains qu'il avait frappées et les baisa. Elle mit sa bouche sur la bouche qui lui avait vomi l'outrage et la baisa. Puis elle dit « Écoute-moi, mon Jacques adoré. Si pour ton repos, si pour ton bonheur, si pour ta vie, il faut que je meure, oh, tue-moi, je t'appartiens. Mort, tu m'aimeras peut-être comme tu as voulu m'aimer. Je serai devenue la femme que tu avais rêvée. La femme que, vivante, je ne puis être. Le corps qui te renvoie sans cesse l'image, le corps pourrit et s'efface. » Mais l'âme reste, plus pure, plus belle. Qu'importe de mourir, si la mort est pour toi la vie qui s'ouvre, si la mort est pour nous l'amour qui commence. » Jacques se précipita dans les bras de sa femme. Et longtemps, longtemps ils sanglotèrent. Le lendemain matin, le domestique, en entrant dans la chambre de son maître, le trouva étendu sur le tapis, un couteau planté dans le cœur.